Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est une guerre oubliée. Il s'agit pourtant du conflit le plus meurtrier de la guerre froide. Qui n'a eu de froide que cette épithète, car cette guerre a provoqué la mort de 2 à 3 millions de personnes, tant militaires que civiles. Un conflit qui a failli aussi précipiter le monde dans une catastrophe encore plus grande, un cataclysme nucléaire, tout simplement. Car cette guerre de Corée a mis aux prises les 3 plus grandes puissances de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS et la Chine. J'ajoute qu'au cours de ce conflit, on a assisté à de nombreux crimes de guerre, bombardements massifs au napalm, massacres de civils, traitements inhumains des prisonniers et même, peut-être, utilisation d'une arme terrifiante, l'arme bactériologique. Enfin, si cette guerre semble oubliée, surtout aux États-Unis, elle demeure d'une actualité brûlante puisque la péninsule coréenne est toujours coupée en deux et que, régulièrement, on y entend des bruits de bottes. Monsieur X exhume donc ce conflit qui a dévasté le pays du matin calme et frais et l'a laissé durablement traumatisé. Quand on parle d'une guerre, on se pose généralement la question « qui a gagné ?» Eh bien, dans le cas de la guerre de Corée, si coûteuse en vies humaines, on peut dire qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, sinon les centaines de milliers de Coréens, le 1,5 million de Chinois et les quelques dizaines de milliers d'Américains qui ont péri. J'ajoute qu'il faut ajouter à ce terrible bilan 300 et quelques volontaires français. Une guerre pour rien, alors ? Exactement. Puisqu'à l'issue de la guerre, les belligérants se sont retrouvés sur les positions qu'ils occupaient au départ. Et une guerre d'autant plus inutile que 60 ans après l'armistice de 1953, Rien n'est réglé. Mais l'état de guerre persiste. Hein. Et de temps à autre, on a l'impression que le conflit pourrait se réveiller. Même s'il faut faire la part de ce qu'il y a comme rodomontade dans les menaces proférées par le dictateur nord-coréen. Autre chose, les Coréens considèrent que dans le passé, leur pays a été en quelque sorte la Pologne de l'Asie. Il faut m'expliquer, là. Elle a toujours été victime de ses voisins chinois, russes et japonais qui ont passé des traités par-dessus sa tête, si j'ose cette expression. C'est-à-dire sans se préoccuper de son existence réelle, ainsi que l'ont fait pour la Pologne, les Russes et les Allemands. Un dernier mot, avant de voir plus précisément ce qu'a été ce dramatique conflit. Certains historiens estiment, non sans raison, que la guerre de Corée a d'abord été une guerre civile. Une guerre civile qui a dégénéré en conflit international. C'est ça. Alors, bon, ne remontons pas trop loin. Mais vous devez d'abord savoir qu'au début du XVIIe siècle, la Corée était asservie par la Chine. Mais au XIXe siècle, ce sont les Japonais et les Russes qui lorgnent sur la péninsule. Au cours d'une première guerre, les Chinois doivent abandonner la partie. La colonisation japonaise commence. Puis, à l'issue d'un nouveau conflit très meurtrier entre la Russie et le Japon, c'est ce dernier pays qui triomphe et s'approprie la Corée en 1905. Une colonie ? Un protectorat japonais, mais c'est tout comme, car on va assister à une annexion progressive. Les Japonais ont même parlé de fusion nippo-coréenne. Ça signifie que l'ancien royaume de Corée est peu à peu rayé de la carte. La domination japonaise est impitoyable. La langue coréenne sera même interdite. Et les tentatives de révolte sont traitées avec une extrême brutalité, tandis que les nouveaux maîtres du pays exploitent sans vergogne les ressources minières et agraires de la péninsule. Mais il y aura encore pire. Quoi ? Avant même la Seconde Guerre mondiale, des Coréens servant de cobayes pour la recherche bactériologique. Ben ça, je vous en reparlerai plus longuement. Mais il y a aussi toutes ces Coréennes là, qui serviront de femmes de réconfort pour les soldats japonais. Hein. C'est-à-dire de prostituées, oui. Et elles seront de plus en plus nombreuses. Cependant, les Coréens ne se soumettent pas sans résister. En mars 1919, se produit un soulèvement nationaliste contre l'occupation. Puis, au milieu des années 30, Kim Il-sung fait son entrée dans l'histoire. De quelle façon ? Le futur dictateur nord-coréen devient le chef réputé et redoutable de guérilleros qui harcèle l'armée japonaise, présente non seulement en Corée, mais aussi en Mandchourie. La Mandchourie qui a été également conquise par les Japonais. En 1931, oui. La Mandchourie devient l'état fantoche du Mandchoukouo. Mais vous le savez, les forces japonaises ont aussi envahi les provinces nord-est de la Chine. En tout cas, pour ne parler que de la Corée, ce sont des officiers supérieurs coréens de l'armée japonaise qui affrontent les résistants. Et parmi eux, on trouve un certain Kim Sogmon, qui plus tard, en 1949, sera le commandant de l'armée sud-coréenne. Après avoir collaboré donc avec l'occupant japonais. Et c'est pourquoi de nos jours, de nombreux Coréens estiment que la guerre de Corée a véritablement commencé en 1931. Ouais, cette guerre civile que vous évoquiez tout à l'heure. Et qui, dès les années 30, a opposé résistants et collaborateurs, alors que l'occupant s'est forcé d'effacer tout ce qui pouvait subsister de caractère coréen dans le pays. C'est si vrai que beaucoup d'opposants ont alors choisi l'exil. La Corée connaît donc depuis le début des années 30, hein, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un état de guerre ininterrompu. En effet. Et ensuite alors ? Avant même la fin du conflit mondial, l'avenir de la Corée est évoqué. En novembre 1943, par exemple, lors de la conférence du Caire qui réunit Roosevelt, Churchill et le chinois nationaliste Chiang Kai-shek, les participants déclarent que le moment est venu d'envisager une Corée libre et indépendante. Et un peu plus tard, en juin 1945, c'est Staline qui annonce à un émissaire du président états-unien sa volonté de voir s'établir après la guerre une Corée indépendante. La Corée, vous le rappelez, qui est voisine de l'URSS. Bien sûr. Toutefois, Staline estime que provisoirement, le pays devait être mis sous tutelle, sous l'égide des États-Unis, de l'URSS et éventuellement de la Grande-Bretagne et de la Chine. Une phase transitoire, donc ? Qui permettrait de doter la Corée d'un gouvernement démocratique qui la conduirait à sa future indépendance. Puis, fin juillet, début août 1945, à Potsdam, Américains et Soviétiques discutent du désarmement qu'ils doivent assurer en commun des troupes japonaises stationnées en Corée, une fois les opérations militaires terminées. Mais L'application concrète de cette décision sur le terrain n'est pas précisée. Ensuite, c'est la fin officielle des hostilités en Extrême-Orient. Hein. Le 15 août 1945, après que les États-Unis ont lancé deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc ce jour-là, la Corée recouvre de facto son indépendance. Et il faut désarmer les militaires japonais présents dans la péninsule. Les généraux américains prennent alors une décision qui sera lourde de conséquences. Ils vont s'occuper du sud de la Corée, tandis que les soviétiques désarmeront au nord. Ouais. Ils font donc définir une ligne de démarcation. Deux officiers supérieurs américains sont chargés de cette lourde tâche à effectuer en très peu de temps. Et ils proposent d'établir une zone tampon de part et d'autre du 38e parallèle. Et c'est la ligne qui sépare encore de nos jours la Corée du Nord de la Corée du Sud. Et elle divise la péninsule en deux parties à peu près égales. Un peu plus de 100 000 km² au nord, un peu moins au sud. Démographiquement, il en va autrement car le sud est beaucoup plus peuplé. Économiquement aussi, le déséquilibre est patent. C'est le nord qui est le plus industrialisé. Et justement, c'est le nord qui prend l'initiative dès le début du mois de septembre 1945. Comment ? Alors... En proclamant la République de Corée. Mais les États-Unis refusent de la reconnaître. Et pourquoi alors ? Parce qu'ils estiment que cette république n'est pas représentative. De tous les Coréens, oui. C'est ça, oui. Parallèlement, on voit émerger spontanément au nord des comités populaires qui sont assez vite récupérés par les communistes. En même temps, le général MacArthur, nommé commandant suprême des forces alliées au Japon, décide le débarquement de plusieurs dizaines de milliers de GI au sud. Avec quelle mission ? Assurer le désarmement des forces impériales japonaises et leur renvoi au pays, mais aussi administrer la zone d'occupation qui a été dévolue aux États-Unis au sud, où sévit un chômage de masse. Ah ben de fait, la partition existe donc déjà ? Oui. Mais les deux grands, États-Unis et URSS, demeurent, apparemment au moins, fidèles à leur proposition de mise sous tutelle provisoire de toute la péninsule coréenne avant la fusion entre les deux zones. En 1946, la rupture n'est pas encore consommée. Mais au nord et au sud, chaque camp renforce ses propres positions dans sa zone et favorise l'émergence du parti qui soutient le mieux ses intérêts et son idéologie. Ça se dégrade donc. Incontestablement. Et en 1948, tandis qu'est créée l'armée populaire de Corée au nord, au sud, on proclame la République de Corée à la tête de laquelle les Américains placent Syngman Rhee. D'où vient-il lui ? Celui que l'on appelle le vieillard terrible n'a certes pas collaboré avec l'occupant japonais, mais il est très anticommuniste. Longtemps exilé en Occident, c'est un personnage intransigeant et autoritaire qui va vite réprimer très violemment ses opposants. Surtout quand ils sont communistes. Quoi qu'il en soit, réponse du berger à la bergère, le Nord proclame la République populaire de Corée, dont Kim Il-sung devient aussitôt le Premier ministre. Et le leader incontesté. Hein. Mais la même année, en 1948 donc, on observe aussi le début du retrait des soldats américains de la péninsule coréenne. Ah bon, alors on s'achemine donc là vers un apaisement ? Ah, pas du tout ! Les tensions sont de plus en plus fortes entre le Nord et le Sud, surtout à l'initiative du Nord. D'accord, mais si les Américains là, retirent leurs troupes, c'est qu'ils ne croient pas à un affrontement entre les deux Corées. C'est vrai. MacArthur le déclare lui-même. Il ne pense pas que ces accrochages incessants déboucheront sur une guerre ouverte. Les communistes n'oseront jamais attaquer. C'est pourquoi, en juin 1949, les forces états-uniennes achèvent leur retrait de Corée du Sud, laissant simplement derrière eux une mission militaire d'assistance et une armée sud-coréenne de 110 000 hommes plutôt mal équipés. Mais en janvier 1950, le secrétaire d'État américain Dean Acheson fait une déclaration qui va tout bouleverser. Dans la conduite de cette affaire, MacArthur a joué un rôle central. Yvan Cadeau, un chercheur, auteur d'un ouvrage sur la guerre de Corée, dresse ainsi le portrait d'un homme connu pour ses foucades et ses coups de gueule qui avait officiellement pris sa retraite en 1937. Extrait. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale lui fait reprendre le service actif et lui permet de parfaire sa légende. Entre 1942 et 1945, il s'illustre sur le théâtre d'opérations du Pacifique et devient l'une des figures militaires les plus importantes du Second Conflit mondial, même si dans les faits, il n'est certainement pas le stratège génial que ces thuriféraires se plaisent à décrire. Sa personnalité affirmée, son charisme, son manque de modération lui attirent tout au long de sa carrière tantôt l'admiration, tantôt les critiques. Aimé ou décrié, MacArthur n'en reste pas moins un chef dans toute l'acception du terme, n'hésitant pas à décider dans l'incertitude et à faire montre de fermeté dans son commandement. Alors, quelle est cette déclaration fatale de Dina Kesson ? J'y reviens dans un instant. Auparavant, ceci. En mars 1949, Kim Il-sung effectue une visite officielle à Moscou. Il évoque déjà l'éventualité d'une attaque contre la Corée du Sud. Réaction de Staline ? Il ne donne pas son feu vert. Enfin, pas tout à fait, car il conseille au leader nord-coréen de renforcer d'abord son armée. Mais en avril 1950, de retour à Moscou, Kim Il-sung dit à Staline que la situation est désormais mûre. Pourtant, Staline tergiverse. Il subordonne son accord à celui de Mao Zedong. Mao qui vient de s'emparer du pouvoir en Chine. Hein. Et en mai 1950, le numéro 1 chinois donne son accord à Kim Il-sung, qu'il fasse la guerre s'il le veut. Mais lui, Mao, n'interviendra dans le conflit que si les États-Unis s'en mêlent. Au passage, il faut remarquer l'habileté de Staline, qui tout en fournissant une aide matérielle considérable aux Nord-Coréens, a refilé le bébé à Mao. Cette aide matérielle, justement. Bon, on a calculé qu'il leur avait envoyé 1000 trains d'équipements militaires et de munitions, plus 5000 conseillers militaires. Ouais, par conséquent, là, à partir de là, on va tout droit vers la guerre. Hein. Et c'est le moment de reparler de cette fameuse et malheureuse déclaration de Kesson. En janvier 1950, donc, le secrétaire d'État américain déclare que la Corée est exclue du périmètre défensif des États-Unis. À partir de ce moment-là, Mao Zedong et surtout Staline sont donc assurés que les États-Unis n'interviendront pas en cas d'attaque du Nord contre le Sud en Corée. Et c'est exactement cela. Alors, comment débute la guerre ? Le 25 juin 1950, à 4h du matin, l'artillerie nord-coréenne ouvre le feu. Et 40 minutes plus tard, les premiers éléments des divisions nord-coréennes franchissent le 38e parallèle. Quel est alors l'état des forces ? L'armée nord-coréenne dispose d'une supériorité évidente, non seulement en termes d'effectifs, mais aussi d'armement et de capacités combattantes. Car ces soldats ont reçu une excellente formation dispensée par les conseillers soviétiques. Face aux 10 divisions d'infanterie nord-coréennes, qui rassemblent 120 000 hommes, l'armée sud-coréenne fait piètre figure. D'autant que les États-Unis ont rechigné à l'étoffer, malgré les demandes répétées des Sud-Coréens. Et en nombre, alors ? Leur armée mobilise environ 95 000 hommes. Leur infériorité est aussi totale en matière d'artillerie lourde. Mais comment expliquer alors que les Américains aient refusé de venir matériellement en aide aux Coréens du Sud, alors qu'ils ne devaient pas ignorer que le camp communiste effectuait un réel effort pour soutenir son allié nord-coréen ? Bien, je crois que Washington n'avait pas confiance en son allié sud-coréen, Syngman Rhee, soupçonné de vouloir réaliser par la force son rêve d'unification des deux Corées. Mais sans doute considérait-on aussi aux États-Unis que la péninsule coréenne n'offrait alors aucun intérêt stratégique. Ouais, alors d'où la volonté de ne pas s'impliquer dans la défense de la Corée du Sud. Oui, mais en dépit de la déclaration de Dean Acheson, la position des Américains va rapidement évoluer. Une inflexion qui est due au changement du contexte international. L'année 49 est en effet particulièrement agitée. Il y a d'abord le blocus de Berlin, puis la chute de la Chine nationaliste et bientôt la proclamation de la République populaire de Chine. Mais surtout, prenant de court les États-Unis, l'URSS fait éclater sa première bombe atomique. Ouais, 4 ans seulement, hein, après celle d'Hiroshima et Nagasaki. Et en particulier grâce à ces espions atomiques, comme on les a appelés. En tout cas, ces événements amènent le président Truman à repenser sa politique. Il décide qu'il lui faut désormais s'opposer énergiquement à l'expansion communiste. Ça se traduit essentiellement par un accroissement substantiel du potentiel militaire des États-Unis, tant en force nucléaire que conventionnelle. On met aussi en place ce que l'on appellera la politique d'endiguement. Oui, endiguement du communisme. Partout sur la planète. Et un tout petit peu plus tard aux États-Unis. Même, ça donnera le macartisme. Oui. En tout cas, pour revenir à la guerre de Corée, l'agresseur est quand même incontestablement le Nord. Tout à fait. C'est pourquoi, pour la première fois depuis sa création, il est fait appel au Conseil de sécurité de l'ONU. Fin juin 1950, deux résolutions sont votées. Prenant acte de l'attaque contre la République de Corée, le Conseil demande la cessation des hostilités et exige le retrait des troupes de Corée du Nord. Mais il décide aussi d'une aide à apporter à la Corée du Sud afin de repousser les assaillants. Quoi, une aide militaire ? Parfaitement. Sur 59 pays membres, 53 soutiennent les résolutions. Et 42 vont fournir une contribution, dont 16 une participation militaire. Je vous rappelle que la France enverra là-bas un bataillon de volontaires. Mais attendez, l'URSS n'a pas opposé son veto ? Et c'est une grave erreur commise par Staline. Je vous explique. Depuis le début de l'année 50, les Soviétiques boycottent le Conseil de sécurité onusien. Mais pour quelle raison, hein ? Mais ils entendent protester contre le fait que le siège de la Chine soit toujours occupé par les nationalistes de Chiang Kai-shek. Mais officieusement, en agissant ainsi, ils essaient de bloquer le fonctionnement de l'ONU et de la paralyser. Mmh. Donc le représentant russe n'a pas pris part au débat. Et le vote s'est fait sans lui. La décision d'envoyer une force onusienne en Corée est donc légale au regard du droit international. Mmh. Et sur le terrain, alors, que se passe-t-il ? Toujours en cette fin juin 1950, les troupes nordistes entrent dans Séoul. Et début août 1950, elles occuperont 90% de la Corée du Sud. Mais quelques jours après le vote du Conseil de sécurité, les États-Unis décident d'apporter une aide immédiate aux troupes sud-coréennes. MacArthur, qui, en plus de ses fonctions au Japon, a été nommé commandant en chef des forces de l'ONU, a en effet anticipé les directives onusiennes et donné l'ordre d'effectuer les premières interventions aériennes contre des objectifs nord-coréens. Et deux divisions américaines débarquent en Corée. Ouais, ici, il faut peut-être dissiper un mythe. Hein. Cette force internationale de l'ONU sera essentiellement états-unienne. Hein. Ah bah, c'est évident. Et ce sont toujours les Américains qui la commanderont. Et l'équiperont. Absolument. Toutefois, ça ne commence pas très brillamment pour les Américains. Pour quelle raison ? L'armée états-unienne n'est pas vraiment prête à faire la guerre. Ses soldats ne sont pas préparés. Et on en fera le reproche à MacArthur. En outre, la plupart sont racistes. Pour eux, les Coréens, tout comme les Japs, ne sont que des jaunes. Tous pareils à leurs yeux. Ce qui explique sans doute le premier véritable crime de guerre commis par les Américains. Fin juillet 1950, un groupe de civils sud-coréens, gros de demi-millier d'individus fuyant les combats, sont mitraillés par l'aviation, puis achevés par des fantassins. Mais pourquoi ? Mais parce que ces villageois ont été soupçonnés d'être des espions à la solde du Nord. Mais je vous l'ai dit, Coréens du Nord ou du Sud, pour ces GIs, c'était des jaunes, un point c'est tout. Ouais. Oui, ça annonce ce qui se passera plus tard au Vietnam. Hein. Et aussi d'autres bavures semblables en Corée même. Certains experts en ont compté quelques 200. Enfin, voyons la suite. En septembre 1950, les États-Unis haussent le ton. Washington annonce son intention de réunifier la Corée. Les Américains veulent donc aller au-delà du mandat que leur a confié l'ONU. Hein. C'est exact. Mmh. Et en même temps, la 7e flotte US prend position entre Formose et le continent chinois. Ça, c'est un avertissement adressé à la Chine. Et une garantie accordée au régime de Chiang Kai-shek qui règne sur Formose. Oui, Taïwan aujourd'hui. Hein. Et sur Terre, ça bouge aussi. En septembre, MacArthur ordonne une vaste opération militaire qui commence par un débarquement sur la côte ouest. Peu après, Séoul est reprise. Et fin septembre, les forces communistes doivent évacuer toute la Corée du Sud, même s'il subsiste localement des noyaux de résistance. Mais les objectifs fixés par l'ONU sont donc atteints, là. Et les opérations armées peuvent être considérées comme terminées. Mais je vous l'ai dit, les États-Unis ne veulent pas en rester là. Et de son côté, Kim Il-sung en appel à Mao. La guerre est donc loin d'être terminée. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Staline a-t-il commis une erreur en refusant que son représentant participe au débat du Conseil de sécurité de l'ONU. Analyse de David Cumin dans la revue Hérodote. Les commentateurs n'ont cessé de se demander comment Staline avait pu commettre l'erreur de l'absence soviétique. Selon la lettre de la charte, absence de vote signifie défaut de consentement unanime, donc invalidité de la résolution. Staline pouvait donc arguer que l'absence soviétique équivalait à veto. Le Kremlin se contenta de protester contre les décisions illégales du Conseil de sécurité par suite de l'absence d'un membre permanent. Pour la Maison-Blanche, le défi était de réagir localement sans généraliser le conflit. Il s'agissait de montrer que les États-Unis ne toléreraient pas un franchissement manu militari des lignes de démarcation tracées en 1945. Le 30 juin, le gouvernement américain demanda à l'URSS de faire pression sur Pyongyang pour que les hostilités cessent. Le gouvernement soviétique répondit qu'il refusait de se mêler des affaires des autres peuples. La bagarre se déplace d'abord à l'ONU, d'autant que la délégation soviétique ne boude plus et a donc réintégré sa place au Conseil de sécurité. Bon, je vous passe les détails, mais début octobre, une résolution est votée. Elle comporte la tenue d'élections libres en Corée sous les auspices de l'ONU et la création d'un gouvernement coréen unifié. Implicitement, les troupes onusiennes sont donc autorisées à franchir le 38e parallèle. Et pourtant, j'imagine que là, les soviétiques ont usé de leur droit de veto. Certes, mais grâce à une manœuvre diplomatique, ce veto a été bloqué. Et ça se traduit aussitôt sur le terrain. Les troupes de l'ONU, c'est-à-dire essentiellement états-uniennes, montent loin dans le nord, pas loin de la frontière chinoise. Ce qui ne doit pas plaire à Mao. Et s'il hésitait à intervenir, maintenant, sa religion est faite. Et il lui faut agir. Et notez bien qu'il s'agit dès lors d'un conflit international. Américains, Russes et Chinois sont impliqués. Et on sera à la merci d'un incident qui pourrait faire tout dégénérer. Par exemple, quand un jour les appareils de l'US Air Force ont bombardé par erreur un aérodrome soviétique en franchissant la courte frontière russo-coréenne. Ouais. Mais Staline n'a pas bougé. Staline qui fait preuve d'une prudence étonnante. Quand il est informé par Zhou Enlai que la Chine est prête à envoyer 500 000 soldats en Corée, le maître du Kremlin promet d'abord de soutenir l'invasion en assurant une couverture aérienne. Puis il revient sur sa parole. Les avions soviétiques n'interviendront que si les combats se déroulent sur le sol territoire chinois. Et la réalité elle est plus complexe, plus secrète aussi, en fait. Mais on ne l'apprendra que bien plus tard, après l'ouverture des archives russes dans les années 90. Une véritable guerre aérienne a opposé les pilotes soviétiques et américains tout au long de la guerre de Corée. Les Russes opéraient depuis la base d'Antung, en Chine. De leur côté, les Américains ont souvent violé la frontière chinoise quand ils poursuivaient les avions ennemis, quitte ensuite à trafiquer leurs documents de vol. Et pourquoi alors tout cela est resté secret? Parce que c'est un troisième conflit mondial qui menaçait de s'ouvrir. Ah oui, alors donc de part et d'autre, on a préféré le silence. Et pourtant, cette guerre aérienne a été extrêmement intense. Selon des sources russes, l'armée rouge aurait perdu 350 appareils et détruit 1300 avions américains, surtout par des tirs de DCA. Un millier de pilotes y auraient trouvé la mort. De leur côté, les Américains reconnaissent avoir perdu 147 avions au combat sur un total de plus de 3000 appareils détruits. Ils auraient abattu un millier d'avions communistes. Et c'est considérable. Mais Staline avait donné des ordres stricts. Il avait interdit tout appui au sol et toute présence à moins de 60 km du front. En outre, les pilotes russes portaient des uniformes chinois et nord-coréens et ne devaient pas parler russe en vol. Est-ce que la même discrétion a été respectée du côté états-unien? Oui, parce que si ces graves incidents avaient été rendus publics, l'opinion américaine aurait sans doute exigé des représailles plus fermes. Or, il est certain que l'administration de Washington ne voulait pas aller plus loin. Voilà, la peur d'une vraie guerre avec l'URSS? C'est-à-dire entre deux puissances nucléaires. Alors, si vous le voulez bien, revenons sur Terre et un petit peu en arrière. Début octobre 1950, sans attendre le vote de la résolution de l'ONU, la 3e division américaine franchit le 38e parallèle et avance en direction du nord. L'intention de MacArthur est d'aboutir à la destruction totale de ce qui reste de l'armée nord-coréenne. Il en a les moyens ? À cet instant, il bénéficie d'une supériorité écrasante. Il dispose de presque 200 000 hommes, dont plus de 110 000 combattants américains. Et effectivement, à la mi-octobre, il entre dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang. Et c'est aussi à cette date que les Chinois vont entrer dans le jeu. Attendez, là, on peut se demander pourquoi la coalition États-Unis-ONU a passé le 38e parallèle. Parce qu'au fond, la guerre aurait pu se terminer fin septembre 1950. Ah, vous avez raison, mais le président Truman, qui avait déclaré son intention d'unifier la Corée, a donné malgré lui des ailes au bouillant et imprévisible MacArthur. Celui-ci était persuadé que la Chine n'oserait pas intervenir en Corée et prévoyait une occupation très rapide de toute la Corée. Une grave erreur. Et qu'il va payer très cher durant l'hiver 1950-1951. Mais enfin, n'allons pas trop vite. En fait, il vous faut aussi savoir que les Américains n'étaient pas tous sur la même ligne. Les uns, surtout les républicains et les militaires, dont MacArthur bien sûr, étaient convaincus que les intérêts états-uniens étaient en jeu dans le Pacifique et en Asie. Par contre, à la Maison-Blanche et chez les démocrates, on était beaucoup plus modérés. D'accord, il fallait sauver la Corée du Sud, mais la priorité restait l'Europe, dont une bonne moitié était passée sous la botte soviétique. Mmh. Alors la suite. À la mi-octobre 50, les premiers volontaires chinois franchissent la frontière sino-coréenne. Vous avez dit volontaires. Oui, c'est une fiction. Mao prétend qu'il s'agit de volontaires ayant choisi librement de se battre par solidarité avec le peuple de Corée du Nord. Oui, mais en réalité, ce sont des troupes régulières chinoises. C'est évident. Mmh. En tout cas, les Chinois obtiennent tout de suite des résultats, dus surtout à leur nombre et à leur tactique. Ils lancent de véritables vagues humaines sur les lignes ennemies, quitte à subir de lourdes pertes. Et très vite, aux États-Unis, on s'inquiète. En décembre 1950, le président Truman laisse entendre que les États-Unis pourraient recourir à l'arme atomique en Corée. La menace est sérieuse ? Elle le semble et elle provoque une grande émotion. Londres et Paris se désolidarisent de Washington. Mais MacArthur reprend la balle au bon et ne cessera de demander des bombes atomiques. D'autant que sur le terrain, les Chinois avancent vite. Ils repènent Pyongyang et Kim Il-sung leur cède la conduite des opérations. En janvier 51, Séoul tombe pour la seconde fois. Toutefois, elle sera reprise en mars, mais à partir du printemps 1951, on s'achemine vers une sorte de stabilisation des positions, de chaque côté de la ligne de démarcation. Retour au point de départ, en somme. Certes, mais l'administration américaine doit compter avec MacArthur, dont l'insubordination est croissante, et qui en appelle à une extension du conflit. Il ose même s'adresser au Congrès sans demander l'autorisation du président. Oui, et puis il y aura toujours sa volonté d'utiliser des bombes atomiques. Et heureusement, l'état-major lui oppose un refus. Finalement, Truman décide de s'en débarrasser et le remplace par Ridgway. Ouais, c'est le calme après la tempête. Et à l'été 1951, on débute des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Mais dans le camp communiste, il y a des divergences. Si Kim Il-sung veut aboutir au plus vite, car le Nord a été dévasté par les bombardements aériens, Mao, au contraire, désire continuer, parce que tant que la guerre dure, il reçoit l'aide militaire soviétique. Et puis, il sait que les États-Unis n'attaqueront jamais la Chine. Oui, surtout que depuis que MacArthur a été débarqué. Hein. Les négociations portent sur 4 points. La ligne de démarcation militaire, le contrôle de l'armistice, les garanties militaires et enfin le rapatriement des prisonniers de guerre. Et c'est ce dernier point qui bloque. Truman refuse que des prisonniers nordistes soient renvoyés de force chez eux, d'où une impasse qui va perdurer jusqu'en 1953. Mais en attendant, là, est-ce que la guerre continue ? Au sol, c'est une guerre de position. Mais de part et d'autre du 38e parallèle. Comme pendant la Grande Guerre en Europe, on cherche à conquérir des avant-postes ou des centres de résistance. Des collines sont prises et reprises plusieurs fois après de furieux corps à corps sans procurer aucun gain de terrain aux combattants. À l'automne 1952, toutefois, les Chinois reprennent l'initiative dans la région de Shaowun. Il s'agit de la première attaque sérieuse depuis la fin 51 et ça se traduit par une vraie boucherie. Mmh. Mais sinon, c'est donc la guerre de position qui est la norme. Un formidable face-à-face. En janvier 53, les forces de l'ONU en Corée rassemblent plus de 750 000 hommes. Et dans l'autre camp, il y a 1 million de soldats, dont 800 000 sont répartis sur la ligne de front et dans les arrières immédiats. Et dans le ciel, hein. Bah, là, il en va tout autrement. Les Américains ont poursuivi leurs bombardements aériens massifs durant toute l'année 1952. Vous entendez détruire tout le potentiel énergétique du Nord et aussi les plus gros centres urbains en utilisant des bombes incendiaires au napalm. À l'issue de ces campagnes de bombardement, les villes de Corée du Nord ressemblent aux cités martyrs japonaises ou allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces bombardements massifs, au napalm en plus, étaient-ils nécessaires ? Ben, on peut en douter. Et le bilan humain ? Oh, il est terrible et approche les 3 millions de morts. Les seules pertes états-uniennes, incluant tués, blessés, prisonniers et disparus au combat, s'élèvent à plus de 100 000 hommes. Quand commence-t-on à entrevoir la fin du conflit ? En janvier 1953, le républicain Eisenhower remplace Truman à la Maison-Blanche. Dans son programme électoral, Ike a promis la paix en Corée et le retour des boys à la maison. Et pourtant, un mois à peine après son élection, il laisse entendre que les États-Unis pourraient employer la bombe atomique contre la Chine. Lui aussi, donc. Hein. Et la menace semble être prise au sérieux à Pékin. Mao essaie de faire pression sur son allié soviétique afin d'obtenir de Moscou de pouvoir récupérer les secrets de l'arme atomique. Mais Staline n'est pas partageur. Et il refuse. Mais cette pression chinoise et aussi celle qu'exerçaient les États-Unis aurait pu conduire Staline à décider plutôt de la fin de la guerre de Corée, non ? On a dit que ça avait été sa dernière décision avant de tomber dans le coma au soir du 28 février 1953. Mais d'autres, et j'aurais tendance à me ranger à leur avis, estiment au contraire que c'est la mort de Staline qui a précipité la fin de la guerre de Corée. Mais pourquoi ? Mais parce que Staline, lui, n'était nullement pressé d'en finir. Il n'était pas mécontent de fixer en Asie un aussi important contingent américain, parce que ça lui laissait les mains relativement libres ailleurs dans le monde. Un dernier mot, c'est le 27 juillet 1953 que l'armistice a été signé à Panmunjom. Mais l'état de guerre subsiste toujours. Je vous recommande le livre très récent d'Yvan Cadeau, paru chez Perrin, « La guerre de Corée ». Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel entretien sur ce sujet. Les États-Unis ont-ils fait usage d'armes bactériologiques au cours de cette guerre ? Sur franceinter.fr, vous pourrez écrire vos commentaires sur ce programme préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Biou et Fabrice Legge et mis en musique, comme d'habitude, par Monsieur Djoub. Tout de suite après les informations CO2, mon amour de Denis Chessou.